Non loin de Beaugency, sur la rive gauche de la Loire, s'étendent les grands bois de Mareuil. Le lendemain du jour où Sylvain s'était occupé de nettoyer son fusil, deux paysans, par une nuit noire vers minuit, se guidant à la pâle clarté des étoiles, pénétrèrent dans les bois de Mareuil par un sentier qu'ils semblaient connaître. Ces deux paysans étaient Sylvain et Petit-Jean, son ami. Avant de continuer ce récit, deux mots sur Petit-Jean. Je l'ai connu. Jamais je n'ai rencontré plus honorable caractère, dévouement plus pur, plus merveilleusement intelligent à la cause républicaine. Voici l'histoire de cet obscur et courageux apôtre de la foi démocratique. Il était vigneron et possédait assez de biens pour vivre dans une modeste aisance. Avant 1848, déshérité de ses droits politiques comme des millions de citoyens, Petit-Jean ne s'occupait point des affaires publiques. Mais il s'en préoccupa vivement dès qu'il eut un droit à exercer. Ayant reçu l'éducation primaire des paysans aisés de nos campagnes, il savait lire et écrire. Je le vis pour la première fois peu de temps après que furent rendues les ordonnances si sévères sur le colportage et si contraires à l'esprit de ce principe d'éternelle justice que chacun a le droit de publier sa pensée. Ces ordonnances rendaient impossible la propagande républicaine, si sage, si modérée qu'elle fût. Petit-Jean vint donc me consulter sur un projet, que voici à peu près dans les termes où il me l'exposa. « Citoyen, me dit-il, je désire servir utilement notre cause. Je possède quelques vignes, je les ai affermées. Ce qu'elles me rapportent me suffit à vivre. Paysan, je connais les paysans. Ce qui manque à beaucoup d'entre eux, c'est l'instruction, la connaissance et la conscience de leur droit et de leur devoir politique. Les paysans n'ont ni le temps, ni l'occasion, ni le moyen de lire les journaux qui seuls pourraient les éclairer, les guider. Ceux qui savent lire, et le nombre en est restreint, ne lisent guère que des almanachs. Ce moyen de propagande républicaine est devenu presque impossible. Les colporteurs ne peuvent rien colporter dans les campagnes sans l'autorisation et le visa des préfets. Or, la première chose qu'ils défendent sont les almanachs républicains. Il est très difficile d'échapper à ces ordres et à la vigilance des gendarmes qui visitent sur la grande route ou dans les villages les balles des colporteurs de livres. Voici à quoi j'ai pensé. J'achèterai un assortiment de brochures publiées par la librairie ecclésiastique de Tours. Cela passera partout. Et ma balle sur le dos, j'irai dans les hameaux les plus reculés du département, au fond des bois et des bruyères. J'irai surtout dans les métairies isolées. J'y arriverai le soir à l'heure du souper, heure du repos et de la causerie des paysans. Et selon la coutume hospitalière du pays, on m'invitera à assister à la veillée, puis à passer la nuit dans la maison. Fort bien, dis-je à Petit-Jean, ne comprenant pas encore où il en voulait venir. Mais, citoyens, quelle propagande républicaine pouvez-vous faire avec vos petits livres de l'évêché de Tours? Ah, voilà, me répondit-il en souriant d'un air fin. Je compte bien ne pas avoir le malheur d'en vendre un seul de ces petits livres, et porter ma balle aussi lourde à mon retour chez moi qu'à mon départ. Mais, voyez-vous, j'ai le bonheur de posséder une mémoire extraordinaire. J'ai appris par cœur dans les journaux et les almanachs républicains tout ce qui m'a paru bon, sain, utile et à la portée de l'esprit et des connaissances des paysans. De ma mémoire, citoyen, vous allez juger. Et Petit-Jean, que l'on me pardonne cet orgueilleux souvenir, et Petit-Jean, par un procédé de cordiale politesse, me récita d'abord quelques passages du Républicain des campagnes et du Berger de Cravant. Note de bas de page. Pendant les premiers mois de 1848, j'ai publié le Républicain des campagnes, journal hebdomadaire et gratuit, à environ 3000 exemplaires dans le département du Loiret. Cette publication a eu, m'a-t-on assuré, quelques bons résultats. Mes excellents amis de la démocratie pacifique avaient bien voulu se charger de l'édition du Berger de Cravant, et ils n'en retiraient rigoureusement que leurs frais d'impression, afin de me venir en aide dans cette propagande. Retour au texte. Puis d'autres fragments des œuvres de Pierre Dupont et de mes excellents amis et collègues Félix Pia, Esquiros, Joigneau, écrivains aujourd'hui proscrits et alors particulièrement populaires dans les campagnes. Je restais stupéfait, émerveillé, non pas seulement de la prodigieuse mémoire de Petit-Jean, mais de son accent aussi expressif que sympathique. Son débit était très intelligent. L'inspiration, la foi si je puis dire, donnait à ses paroles un attrait, une autorité irrésistible. Il me dit entre autres le fameux toast aux paysans de mon cher Félix Piat, d'une voix si émue, si pénétrée, que les larmes me vinrent aux yeux. « Maintenant, citoyen, reprit Petit-Jean, vous comprenez que mes petits livres de l'évêché ne seront qu'un passeport. Les gendarmes ne pourront, si fins, si perçants que soient leurs yeux, voir ce que j'ai dans la tête, dans le cœur et sur la langue. » Textuel. Aussi, en arrivant le soir dans une métairie, et m'asseyant au coin du feu, au milieu de la famille du métayer, je leur réciterai quelques-unes des choses que vous venez d'entendre. Et si je leur montre ma cargaison de brochures de l'évêché, ce sera surtout pour leur recommander de ne jamais acheter de pareilles drogues, ou pour leur en lire, en les commentant, quelques passages qui les dégoûteront à jamais de la propagande des Blancs et des Noirs. Et maintenant, citoyens, que dites-vous de mon projet ? Ce que j'en dis, m'écriai-je, touché de tant de dévouement. Je dis que vous pouvez rendre d'immenses services à notre cause. Bien vrai, citoyen. Alors, vous me donnez bon courage et bon espoir. Adieu. Je viendrai vous rendre compte de ma première tournée. Petit-Jean, fidèle à ses projets, parcourut notre département, s'attachant avec une parfaite sagacité à visiter les localités éloignées des centres de population, centres où du moins le rapprochement, le frottement des hommes entre eux, quel que soit leur degré d'instruction, les rend plus ouverts aux communications de la pensée et plus aptes à percevoir le juste et le vrai. La propagande de Petit-Jean eut le succès qu'il en attendait ainsi que moi. Je le voyais de temps à autre, après ses tournées. Je lui prêtais quelques bons livres d'histoire. Il aimait passionnément à s'instruire. C'était un esprit prompt, droit, singulièrement perspicace, un cœur honnête et chaleureux. Petit-Jean, d'une figure douce et pâle, très petit et très chétif d'ailleurs, puisait dans l'énergie de ses convictions la force de parcourir, de l'aube au soir, nos pays, ployant sous le fardeau de sa lourde balle remplie de livres de l'évêché, son passeport, comme il disait finement. Donc, ce Sylvain et son ami Petit-Jean cheminaient vers minuit et au milieu des ténèbres à travers les bois de Mareuil. Au moment où ils s'engageaient sous une haute futaie complètement obscure, Petit-Jean s'arrêta et dit à Sylvain « Avant d'aller plus loin, es-tu bien décidé ?» Sylvain « Oui. » Petit-Jean « La chose est grave, as-tu réfléchi ?» Sylvain « Oui, et ma conscience me dit que je fais bien de me joindre à nos frères au lieu d'agir isolément, si le malheur veut qu'il faille agir. » Petit-Jean « Mon ami, il est encore temps de nous en retourner. Tu as femme et enfant, un vieux père dont tu es le seul soutien. Moi, je suis garçon, je ne compromets que moi. » Sylvain « Petit-Jean, c'est parce que j'ai une femme, des enfants et un vieux père qui vivent de mon travail que je veux soutenir et défendre la République. C'est le seul héritage que nous puissions léguer à nos fils. » Petit-Jean « Bon, viens donc. » Les deux paysans continuent leur route et s'enfoncent de plus en plus dans l'épaisseur du bois, suivant pour se guider la trace blanchâtre du chemin à peine visible au milieu des ténèbres formées par l'ombre des grands arbres, au-dessus de la cime desquels on voit briller, çà et là, quelques étoiles. Soudain, Sylvain s'arrête, et montrant à Petit-Jean un énorme chêne, isolé au milieu d'une clairière, il dit à son ami « Tu vois bien ce chêne ?» Petit-Jean « Oui. » Sylvain « Tu reconnaîtras l'endroit ?» Petit-Jean Cela ne me paraît pas difficile. Sylvain, on ne sait pas ce qu'il peut arriver. Écoute-moi bien. En suivant un ancien chemin maintenant couvert d'herbes et qui aboutit en face de ce gros chêne, on arrive, à environ 500 pas d'ici, à une marnière abandonnée. Son entrée est maintenant bouchée par les ronces. C'est une bonne cachette. Il y a au fond de cette espèce de souterrain une petite source d'eau vive, et en emportant un pain avec soi, on peut passer là quelques jours à l'abri des recherches. Petit-Jean, grâce à Dieu, nous n'aurons pas, je l'espère, besoin de nous cacher. Mais tu as raison, on ne sait ce qui peut arriver. Merci du renseignement. Petit-Jean et Sylvain se remettent en route, et après avoir encore marché pendant quelque temps, ils distinguent, à l'extrémité de la route, un espace moins obscur. C'est une clairière, au milieu de laquelle s'élève un poteau. En quittant la route ombreuse, et en arrivant à ce rond-point découvert de tous côtés, les deux paysans peuvent distinguer les objets à travers la transparence de la nuit. ils aperçoivent près du poteau trois hommes. Deux d'entre eux sont vêtus de blouse, l'autre est enveloppé d'un manteau. C'est l'initiateur. Petit Jean s'approchant. Citoyens, je vous amène un de nos frères qui veut, comme nous, défendre la Constitution et la République si elles étaient attaquées. L'initiateur à Sylvain. Frère, qu'est-ce que la Constitution ? Sylvain. C'est la loi. L'initiateur. Et qui a fait cette loi ? Sylvain. Le peuple souverain, par l'organe de ses représentants. L'initiateur. Frère, connais-tu l'article 68 de la Constitution ? Sylvain. J'en sais le sens. L'initiateur. Voici le texte. Toute mesure par laquelle le président de la République dissout ou proroge l'Assemblée nationale ou met obstacle à l'exercice de son mandat est un crime de haute trahison. Par ce seul fait, le président est déchu de ses fonctions. Les citoyens sont tenus de lui refuser obéissance et le pouvoir exécutif passe de plein droit à l'Assemblée nationale. Frère, voici la loi. Jures-tu de l'exécuter si la Constitution était en danger ? Sylvain. Je le jure. L'initiateur. Connais-tu l'article 110 de la Constitution ? Sylvain. J'en connais le sens. L'initiateur. En voici le texte. L'Assemblée nationale confie le dépôt de la présente Constitution et des droits qu'elle consacre à la garde et au patriotisme de tous les Français. Jures-tu de défendre par les armes la loi qui est confiée à ta garde et à ton patriotisme ? Sylvain. Je le jure. L'initiateur. En cas d'un coup d'État, jures-tu de te rendre au premier appel de tes frères ? Sylvain. Je le jure. L'initiateur. Jures-tu de garder, envers tous, le secret de ton affiliation aux défendeurs de la Constitution ? De garder ce secret, même envers ta femme, tes enfants, tes parents ? Sylvain. Je le jure. L'initiateur. Jures-tu d'employer toute ton énergie à empêcher le pillage si quelque misérable, faux ou indigne républicain voulait se porter à ses excès pour ternir le triomphe de la loi et de la sainte cause démocratique et sociale ? Sylvain. Je le jure. Note de bas de page. Voici des ordres du jour et des proclamations émanées des Jacques, des partageux, des bandits, des violeurs de femmes. Le Comité révolutionnaire social de Clamecy, 7 décembre 1851. Ordre du Comité. La probité est une vertu des républicains. Tout voleur ou pillard sera fusillé. Tout détendeur d'armes qui, dans les 12 heures, ne les aura pas déposées à la mairie, qui ne les aura pas rendues, sera arrêté et détenu jusqu'à nouvel ordre. Tout citoyen ivre sera désarmé et emprisonné. Vive la République sociale. Le Comité. Proclamation du peuple souverain de Bédarieux. 6 décembre 1851. Le peuple victorieux, après la lutte, est obligé de veiller activement à la défense de l'ordre, de la propriété, de la famille. À cet effet, beaucoup d'ouvriers ont dû quitter leurs épouses et leurs enfants pour prouver que la Révolution ne voulait ni le pillage, ni la mine de la mère patrie. Vive la République ! Autre proclamation. Dans les révolutions, les uns viennent pour le bien, les autres pour le mal. Tous les honnêtes citoyens qui verraient commettre le vol ou l'attentat à la pudeur sont priés de punir de mort les coupables. Vive la République ! Le peuple souverain ! Ces diverses proclamations ont été citées par les journaux impérialistes, la patrie, le constitutionnel, etc., etc. Retour au texte. L'initiateur. Frère, donne-moi ta main, tu es des nôtres. Croise ton pouce avec le mien en appuyant ton doigt du milieu dans la paume de ma main. C'est notre signe de reconnaissance. Notre mot de ralliement, c'est « Comment se porte la mère Marianne ?» La mère Marianne, c'est la mère du peuple, c'est la loi, la Constitution, la République. Sylvain, donnant sa main à l'initiateur, selon le mode qu'il lui a prescrit. Espérons que la mère Marianne se portera toujours bien et que ses enfants sauront la défendre si on l'attaque. L'initiateur. As-tu des armes ? Des munitions ? Sylvain. J'ai un fusil. J'achèterai demain de la poudre et je fondrai des balles. L'initiateur. Ah, frère, la République croyait avoir à jamais mis fin à la guerre civile par les luttes pacifiques du suffrage universel. La République avait proclamé la liberté des citoyens à s'assembler paisiblement au grand jour et de s'associer pour la défense de la loi commune si jamais elle était en péril. Et voici que de sourdes et menaçantes rumeurs nous font redouter un coup d'État et de sanglants déchirements. Voici que nous, défenseurs de la loi, nous sommes obligés de nous réunir la nuit au fond des bois comme des coupables afin d'aviser à la défense de la Constitution minée de tous côtés. Fasse le ciel que nos prévisions soient trompées. Fasse le ciel que les horreurs de la guerre civile soient épargnées à la France. Quoi qu'il arrive, ayons bon courage, bon espoir. Oui, nous tous, laboureurs, artisans, bourgeois, prolétaires, nous tous qui voulons, au nom de la paix publique, le maintien de la Constitution, nous saurons la défendre et subir, s'il le faut pour elle, la proscription ou la mort. Nous le jurons. Vive la République. Sylvain, Petit-Jean et les deux autres témoins de la filiation. Nous le jurons. Vive la République. Il y avait quelque chose de touchant et de grand à la fois dans ce cri de foi et d'espérance jeté vers le ciel par ces cinq hommes réunis dans cette solitude profonde au milieu de la nuit. Les affiliés se séparèrent. Les initiateurs s'en retournèrent par la route de Beaugency. Petit-Jean et Sylvain regagnèrent leur demeure par le chemin qui conduit à Saint-Laurent-des-Eaux.